Radio is KFAI, 90.3 FM HD Minneapolis, St. Paul. Online and archived at kfai.org. Radio without boundaries. Vous écoutez Fresh Air Radio Communautaire, KFAI 90.3 FM à Minneapolis, Saint-Paul et en ligne sur kfai.org. L'émission que vous écoutez est Bonjour Minnesota. You're listening to Fresh Air Community Radio, KFAI 90.3 FM in Minneapolis, Saint-Paul and streaming at kfai.org. The program you're listening to is Bonjour Minnesota. Bonsoir Fred. Bonsoir Adrien. Bonsoir Adrien. Bonsoir Romain. Alors comment ça va? Eh bien ça va. Là on est en mode social distancing. Yeah, we have to meet through Zoom. Zoom. Yeah. We are not in the studio, so it's another recorded show. Yeah. But we are here together, exactly like if we were live. Yeah. But we are not. We're not. And I'm dressed in my COVID-19 casual. Like Adrien was saying, in short and t-shirt. Tonight, I had some special requests for the selection, but after that, we're going to go to celebrate Easter or Pâques to play songs about les cloches or the bells. Mm-hmm. Mm-hmm. And, Easter? But les cloches also means like dumb people. Well, or the homeless. Like the les clochards, yeah, as well, but also them. Quelle cloche, celle-là? Mm-hmm. C'est vrai. Mm-hmm. But so, this is for Easter, I presume. Yes, it is for Easter. And then a lot of songs with Saint in it. So Saint Jean, Saint Saint. Yeah. Saint Paul. Saint Sébastien. Non, j'ai pas de chanson avec Saint Paul. I have pas de Saint Nuage, Saint Cloud. No. Oh. Saint Cloud. Saint Cloud. No. Yes. Saint-Germain-des-Prés. Mm-hmm. Yeah. Oh, Saint-Vincent-les-Grenadines. We might have one. So that's going to be the theme of tonight. What we're also going to do, I'm going to introduce the songs, but in the middle of the show, like we usually do live, we're going to present the events coming in the Twin Cities, because it was pretty quiet previously, but now things are resuming. Online, but resuming. So we're going to be able to talk about it and cool. Tell more. All right. Cool. On y va? C'est parti. Now, the first song we're going to listen to is Christine and the Queens with People I've Been Sad. Then we're going to listen to MC Solar with Sonotone. And it's a song about getting older, pretty much. And then we're going to listen to another song from MC Solar, but it's a cover from Vianney. And it's the name of the song is Caroline. I've been missing out for

y a la télévision. À Nouna, même si c'est con, c'est mieux que l'intubation. Restons dehors de la ville et reste à la maison, même s'il y a le printemps qui chante. Oui, reste à la maison, même si tes amis t'attendent. Netflix t'abrutira, mais c'est mieux que le corona. En été, on en rira, mais ne reste pas dans la ville. Tu travailles depuis chez toi, les gamins qui crient, tu n'en peux plus, mon Dieu, que c'est long, ma foi. Mais tu sais, le temps passera, et tu te diras, c'est bien loin, ce printemps déjà. Et tu ouvriras une fenêtre, un beau matin, tout va renaître. Et reste à la maison, même s'il y a le printemps qui chante. Allez, on tape des mains dans les voitures, et reste à la maison, c'est la formule gagnante. Y'a la télévision, Canal Plus en clair, ça a du bon. C'est mieux que l'intubation. Restons dehors de la ville et reste à la maison, même s'il y a le printemps qui chante. Oui, reste à la maison, même si tes amis t'attendent. Facebook t'abrutira, mais c'est mieux que le corona. En été, on en rira, oui, ne reste pas dans la ville. Sauvage. propose Maître Gims featuring Nastro, Vita, Dadju and Slimane singing Bella Ciao. Then it was a parody of Claude François with Reste à la maison, Stay Home, and Nathalie Pack with J'ai volé la vie, I stole life. Now we can listen to the London Philharmonic Orchestra with a piece from Carmen, and the name of the song is La Cloche a sonné, the bell rung, and we're getting in the series of the bells to celebrate Easter. Then it's going to be Notre Dame de Paris, the musical, and the name of the song is Les Cloches, the bells, and it's talking about how Quasimodo is very sad, the idea. Then we're going to listen to Eva Busch with Le Clocher de mon cœur, the belfry of my heart. Voici la cloche qui sonne, et vous allez juger vous-même.

with Les Trois Cloches, along with Les Compagnons de la Chanson. And we're going to listen to Arnaud Michel with L'Île Saint-Louis. L'Île Saint-Louis is a small island close to L'Île de la Cité in the middle of Paris. And in this song, L'Île Saint-Louis is getting tired of being there, so it takes off. D'un bout à l'autre de la semaine, sur les boulevards, dans les faubourgs, on les voit traîner par centaines, leurs guêtres sales et leurs amours, dans des chemises de 10 jours, sous la lumière des réverbères, prenant des airs de pompadour. Ce sont nos belles ferronnières, ce sont nos poupées, nos guignols, nos pantins. Écoutez dans la nuit, elle chante ce refrain. C'est nous les mômes de la cloche, clochards qui s'en vont sans un rond en poche. C'est nous les paumés, les purées de paumés, eux qui sommes aimés un soir n'importe où. Nous avons pourtant un cœur pas exigeant, mais personne n'en veut, et ben tant pis pour eux. Qu'est-ce que ça fout, on s'en fout. Nul ne s'y accroche, il n'y a pas d'amour, et l'on sera toujours les mômes de la cloche. Mais comme elles n'ont pas les toilettes qu'il faut pour les quartiers rupins, c'est pas aux galeries Lafayette qu'elles vont faire chaque soir leur turbin. Le long du canal Saint-Martin, au Sébastois, la chapelle, on est toujours assez gandin pour le monsieur qui vous appelle. C'est de l'article populaire, c'est pas du beau joujou. Y a pas de poupée en soi au bazar à 30 sous. C'est nous les mômes de la cloche, clochards qui s'en vont sans un rond en poche. C'est nous les paumés, les purées de paumés, eux qui sommes aimés un soir à n'importe où. Tout comme nos ribouis, nous ne sommes pas vernis, jamais l'on ira sur la Riviera. Qu'est-ce que ça fout, on s'en fout. Quand l'argent nous chauffe, on va faire 4 jours là-bas à la tour, les mômes de la cloche. Elles ont vendu toutes leurs caresses, elles furent payées tant bien que mal. Puis un jour, plus rien dans la caisse, elles vont se ficher dans le canal. Et sans avoir comme un cheval la pitié des gens de la rue, on les emmène à l'hôpital. La foule dit oh, ça n'est qu'une grue. Et voilà comment nos poupées, nos pantins, lorsqu'elles n'ont plus le sou, s'en vont toutes à Pantin. C'est nous les mômes de la cloche, clochards qui s'en vont, sans amis, sans proches. C'est nous les paumés, les purées de paumés, qui s'en vont dormir dans l'horrible trou. Derrière notre convoi, jamais l'on ne voit ni fleurs ni couronnes, pas même une personne. Qu'est-ce que ça fout, on s'en fout. Quand la mort nous fauche, c'est notre plus beau jour. Cloche, sonnez pour les mômes de la cloche. Village au fond de la vallée, comme égaré, presque ignoré. Voici quand la nuit est étoilée. Jean-François Nico, il se nomme, il est jour plus tendre et rosé. À l'église, beau petit homme, demain, 10 heures à la main. Une cloche sonne, sonne, sa voix d'écho en écho.

pas le port. Si l'on a trop de vagues à l'âme, mourir un peu n'est pas partir. Quand on est île à Notre-Dame, on prend le temps de réfléchir. Quand on est une île, on est bien tranquille au cœur de la ville. C'est ce que l'on dit. Pour les îles sages, pas de grands voyages, les livres d'images se font à Paris. It was Gilles Aigrot singing Édith Piaf, Les Mômes de la Cloche, then Édith Piaf with Les Trois Cloches, and Michel Arnaud with L'Île Saint-Louis. Bonjour Minnesota on KFAI Fresh Air. Music, interviews, event calendar, and announcements for the Francophone, Francophile community, highlighting the diversity of French-speaking culture. Tuesday, 8 to 10 p.m., 90.3 FM. Check us out on facebook.com/bonjourminnesota. Now we're going to listen to a band who's from Quebec. This band is called Let the Good Times Rouler, and the name of the song is La Danse à Saint-Dilon. Then we're going to listen to Triane with Rond de Saint-Vincent Revival, and Thomas Fersen with Saint-Jean-Du. À faire. On s'est dit, on fait une danse, on va danser chez Bibi. On s'est trouvé un violon, un salon des partenaires. Puis là, la soirée commence, c'était vers 7h30. Entrez, mesdames, entrez, messieurs. Marianne a sa belle robe et puis Roland a ses beaux yeux. Yvonne a mis ses souliers blancs, son décolleté, puis ses beaux gants. Ça aime à faire les choses en grand, ça vient d'arriver du couvent. Il y a aussi Jean-Marie, mon cousin, puis mon ami. Commis sa belle habille avec ses petits souliers vernis. Le vlomi, comme on dit, comme un commis voyageur. Hey, c'était beau les voir danser, madame. Quand on danse à Saint-Dilon, c'est pas pour des embrassages. C'est touré, lui, ça va vite, il faut pas passer des pas. Il faut bien suivre le violon, si vous voulez pas être sage. Aussi bien partir du suite, il y a ni temps ni place pour ça. Tout le monde balance, et puis tout le monde danse. Jean la danse avec Antoine, et puis Jeannette avec Raymond. Petit Paul vient d'arriver avec Thérèse à ses côtés. Ça va passer la soirée à faire semblant de s'amuser. Et ça s'ennuie de Jean-Louis, son amour et son ami, qui est parti gagner sa vie l'autre bord de l'île d'Anticosti. Il est parti un beau samedi comme un maudit malfaiteur. On dansait toute la soirée, le brandy puis la plongeuse, et le corbeau dans la cage, et puis nous voulons passer minuit. C'est Charlie qui a tout collé, a perdu son amoureuse, il s'est fait mettre en package par moins famille plus beau que lui. Un dernier tour, la chaîne des dames avant de partir, elle m'a serré la main plus fort, elle m'a regardé, j'ai perdu le poids. Dimanche au soir après les vibes, j'ai réti pas. Un petit salut passé tout droit, j'avais jamais viré comme ça. Me voilà tout étourdi, mon amour et mon ami. C'est ici qui s'est mise à la tournée comme une toupie. Elle a compris puis elle a dit, les mardis puis les jeudis, ça ferait tout ton bonheur. Ça ferait tout ton bonheur, son bonheur. Quand un petit gars de Saint-Dilon prend sa course après une fille, il a fait virer si vite qu'elle ne peut plus s'arrêter. Pour un petit air de violon, elle vendrait toute sa famille. Elle pensait que samedi en 8, il pourrait la réinviter. Saute ta capine, et puis swing la mandoline, et puis ôte ton jupon, puis swing la madelon. Swing la fort, puis torse le corps, et puis fais y voir que t'es pas mort. Fais-y voir que t'es pas mort. Et... changer de compagnie. Prends la tienne, puis laisse la mienne. tu la laisses pas, tu vas prendre un pas. Les femmes au milieu, puis les hommes tout le tour. Promenez-vous bien gentiment, tout en causant, tout en rêvant. Et puis swing la baquette dans le fond de la boîte à bois. Domino, les femmes ont chaud.

Merci. It was Let the Good Times Roll with La Danse à Saint-Dion, Trianne with Rond de Saint-Vincent Revival, and Thomas Fersen with Saint-Jean-Du. Changing how you get around? KFAI would like to turn your vehicle into great community radio program. You can donate your car, truck, van, RV, boat, motorcycle. Any vehicle you no longer use can be a great help to us. After a few minutes of paperwork you fill out online, we'll get a tow truck headed your way. Find out more about donating your vehicle at kfai.org. You're listening to Fresh Air Community Radio, KFAI, 90.3 FM in Minneapolis, St. Paul, and streaming at kfai.org. The program you're listening to is Bonjour Minnesota. Still in the spirit of Easter, we're going to have a song about a bunny. And it's going to be about Ludwig von 88, or Ludwig von 88. It's Lapin Billy s'en va en guerre. Billy Rabbit goes to war. Then we're going to listen to Christine and the Queens with Saint Claude. Then Ellie J., or Elegy with Saint-Nitouche. Very healthy prude. Saint-Nitouche is someone who's very prude and... Tout se décide. Maquillé comme à la crête, tout détonné, tout me plaît. Les mains sont livides, vite, vite. Mains sont livides, vite, vite. Seul de tes poignets est tatoué, défiguré par ta manche. Le lion ne sourit qu'à moitié. Âme solitude immense, ton visage ne sera jamais entier. Comme tu regardes au dehors, j'emporte un portrait dévoré. Tout leur destin bord à bord. Kiss my station.

me répéter qu'au lit souvent tu t'ennuies, mais t'es-tu déjà dormi? Ce n'était pas mon cas aussi. Les délicats sont malheureux, on ne saurait les satisfaire. Alors je tire de la plaie par la queue pourvu qu'il me protège mes arrières. It was Ludwig von 88 avec Lapin Billy s'en va en guerre, Christine and the Queens with Saint Claude, and Ellie J with Seine Sainte-Nitouche. So we're going to talk about the events. One of the events going on is French Story Time, and it's hosted by Language Sprout. And there's a link on our Facebook page to the event itself. But if you click on the link to Language Sprout, you get to their Facebook page, and that's where they have a live session. It started today, but they have several dates, and it goes up to... It's basically every day at 11:30 in the morning. Yeah. Right. Every day from 11:30 to 12 o'clock, and it goes up to Wednesday the 22nd. It is also my understanding that they have some other languages, so if you're interested in other languages, you still can attend. So this is one of the events, and Romain is going to introduce the next event. Yes. So the next event is on the 15th, so tomorrow, Wednesday, and it's hosted, it's online, and it's hosted by the French-American Chamber of Commerce, and it is a webinar on the COVID-19 effect on U.S. business immigration policy and practice. So the U.S. business immigration landscape is changing rapidly because of COVID-19 pandemic. And so the French-American Chamber of Commerce is hosting a webinar that will be presented by Fragomen. Cool. So it sounds very interesting. Yeah, like it does. A lot of the events that the French-American Chamber of Commerce is offering. Yeah. Yeah. It's from 1 to 2 p.m. Yeah. And you have to register. Mm-hmm. But you can go online on our Facebook page and get to the link to register, and you get more details. Mm-hmm. So that's pretty cool. Yeah. Adrien is going to talk about the next event. Hi, everyone. This is Adrien. So moving on from the COVID-19 crisis, this is an event that hopefully will change your mind a little bit. The title of the event is Let's Travel. It's organized by the Alliance Française Online French Friday, and it's on April 17th. So we really recommend you to try to attend this. It will start at 6:30 p.m. on Friday. And there might be a fee associated to the event for you to check on that. Hey, they have a lot of special guests. Yeah, and a lot of friends are going to try to attend, I guess. The Alliance Française is starting its off. So please join us for an evening of virtual entertainment. Basically, we'll connect Francophones, Francophiles, so you don't have to speak French. But yet, it's to feature different travel and including art and comedy and travel. Yeah, there's going to be Philippe Galanda, French folk musician. Our very own Philippe. Yeah, Galanda. Philippe, mm-hmm. Yeah. Mm-hmm. Isabelle Scook, she's a Francophone illustrator. Mohamed Yadbri, an Algerian comedian. And Bernard Salva, who is a French theater professor and musician. So that looks pretty cool. Yeah. Yes, absolutely. All right. Then there is another event called Pause Café Online. It's on April 18th, and it's from 9:30 a.m. to 10:30, and it's a Saturday morning. And it's organized by the Alliance Française. And this drop-in is a mixed level of conversation class and is a great way to increase vocabulary and practice French in a casual and relaxing environment. This conversation group will be online using the video conference app Zoom. And the class is led by an Alliance Française instructor. There's a cost for it, but it's not very high, and it's different if you're a member versus if you're not. And then there's the Lecture Facile with the Petit Nicolas. It's Saturday, April 18th at 2:30. And if you go on the Facebook page, whether you go to the one from the Alliance or ours, Bonjour Minnesota, you can get the link to join. So Petit Nicolas is a book club, and it's very nice. Now we're going to listen to Octave Noir with La Sainte Nuit, The Holy Night. Then Patricia Cass with À Saint-Lunaire, and Bébé Brune with Saint-Sébastien. Un parterre de fleurs, un étage beau, le bruit, la chaleur. Thank you. Octave Noir with La Sainte Nuit, Patricia Cass with A Saint Lunaire, and Bébé Brune with Saint Sébastien. Now we're going to listen to Clara Luciani with Sainte Victoire, then Cœur de Pirate with Saint Laurent, and Damien Saez with Saint Pétersbourg. Je suis nue devant le miroir. Mes épaules sont larges et mon corps est robuste. Jeune encore. Mes yeux s'attardent sur mes hanches, sur mon ventre tendu, puis fixent ma poitrine. Presque plate. Sur mon sein gauche, une cicatrice. Parce qu'elle est encore violacée, parce qu'on discerne les tissus tout juste reconstitués de la chair tiraillée, parce que sous le doigt, son relief se détache, encore gonflé, on devine que la blessure est récente. Elle palpite, comme un nerf. Pourtant, quand le doigt passe sur la plaie, elle n'est déjà plus douloureuse. On ne meurt pas d'amour. Alors même que l'on se croit exempt et sec comme un vieux fruit. Alors même que l'on croit que toutes les forces nous ont quittés. On se remet de tout. Le cœur se régénère comme la queue des lézards. On est allongé sur le dos, prêt à se laisser partir. Quand soudain, un soubresaut électrise le corps. Le sang reprend son travail, revient battre contre les tempes, irriguer les organes et le bas-ventre endormi. On sursaute de se sentir vivant. Vivant malgré tout. On est surpris de reprendre des couleurs. L'envie de vivre est irrésistible. Se remettre de ce chagrin, se remettre de cette douleur, c'est pouvoir tout affronter. Tu qui m'a permis de comprendre que j'étais invincible, victorieuse, quelle que soit l'issue. Je suis armée jusqu'aux dents. Sous mon sein, une grenade. À Saint-Pétersbourg, la neige tombe, c'est Dieu qui pleure l'histoire du monde, des perles qui tombent, comme si le sang du ciel couvrait le siècle rouge d'un drapeau blanc. À Saint-Pétersbourg, la neige tombe pour penser de coton le pauvre monde. Mais le monde, c'est les hommes les pays, les bons dieux et les perles qui tombent et qui vous montent aux yeux. À Saint-Pétersbourg, on a perdu la guerre, pas celle des canons, mais celle des idées. Je sais que je t'aime, ma princesse, mon ailleurs, mon amour, puisque l'âme est la richesse à Saint-Pétersbourg, à Saint-Pétersbourg. La neige tombe, c'est Dieu qui pleure, le sang du monde, mais y a Olga la blonde, celle qu'on appelle espoir, et celle qui espère te refaire le monde, un monde fait de lumière et de neige en été et de soleil d'hiver et de nuit d'amour. Was Clara Luciani with Sainte Victoire, Cœur de Pirate with Saint Laurent, and Damien Saez with Saint Petersburg. Here and in some regions in France, it's the Easter Bunny. But and when I grew up, we never talked about the Easter Bunny, eggs, and other chocolate treats that we would find in our backyard were dropped by the bales coming from Rome. Interesting. So you would picture the bales flying in the sky, dropping eggs in people's yards. And It's better than birds. Mm-hmm. Yeah. And their droppings. And their droppings, yes. Or their eggs. Mm-hmm. So, also, oftentimes in France, we have chocolate, right? Artisanal chocolate. Mm-hmm. It's a trade. And there are a lot of bells and bunnies as well, where we see that both cultures meet there on the chocolate side. That's true. Yeah, I can't remember where I read that and where they did that, but they officially designated the Easter Bunny and the Tooth Fairy as essential professions. Yeah. So I'm glad they're allowed that. To... if the Easter Bunny or the Tooth Fairy are getting busted on the freeway, you know, like when they should be home or things like that, they can justify it. Yeah. Now we're going to listen to Barbara with Au Bois de Saint-Amand, in the woods of Saint-Amand. Then we're going to listen to Les Sonneurs de la Vallée de la Loire with a song called La Bourrée de Saint-Chartier. La Bourrée is a dance and Saint-Chartier is a place. And when they talk before and after, you know, this is one of the kids saying like, hey, have you been there dancing La Bourrée in Saint-Chartier? And what's kind of funny too is when they leave each other to greet instead of saying goodbye, they are saying something that's very common in the middle of France is à la revoyure, to see you next again. Then we're going to listen to Lucienne de Lille with Mon Amant de Saint-Jean and Jacques Brel with Saint-Pierre or Saint-Peter. Y'a un arbre, je m'y colle dans la petite voie de Saint-Amand. Je t'attrape, tu t'y colles, je me cache à toi maintenant. Y'a un arbre, pigeon vole dans la petite voie de Saint-Amand. Où tournent nos rondes folles, pigeon vole, vole, vole au vent. Dessus l'arbre, oiseau vole et s'envole, voilà le printemps. Y'a nos 15 ans qui s'affolent dans la petite voie de Saint-Amand. Sous l'arbre sans parole, tu me berces amoureusement. Et dans l'herbe, jupon vole et s'envole nos rêves d'enfant. Mais un beau jour, tête folle, loin du petit bois de Saint-Amand. Et loin du temps de l'école, je suis partie, vole, vole au vent. On

reste égorisé, sans volonté sous ses baisers. Mais hélas, à Saint-Jean comme ailleurs, un serment n'est qu'un leurre. J'étais folle de croire au bonheur et de vouloir garder son cœur. Comment ne pas perdre la tête, serrée par des bras audacieux, car l'on croit toujours aux doux mots d'amour quand ils sont dits avec les yeux. Moi qui l'aimais tant, mon bel amour, mon amant de Saint-Jean, il ne m'aime plus, c'est du passé, n'en parlons plus. Il ne m'aime plus, c'est du passé, n'en parlons plus. Il y a longtemps de cela, au fond du ciel, le bon Saint-Pierre, comme un collégien se troubla pour une étoile au cœur de pierre. Sitôt conquise, elle s'envole en embrasant de son regard le cœur, la barbe et l'auréole du bon Saint-Pierre au désespoir qui criait et pleurait dans les rues du paradis, qui criait et pleurait tout en se moquant de lui. Effeuillons l'aile d'un ange pour voir si elle pense à moi. Effeuillons l'aile d'un ange pour voir si elle m'aimera. Saint-Pierre alors partit chercher, à cheval sur un beau nuage, vainement dans la voie lactée, sa jeune étoile au cœur volage. Au paradis lorsqu'il revint, devant la porte il est resté, n'osant montrer tout son chagrin à ses copains auréolés qui criaient et pleuraient dans les rues du paradis, qui criaient et pleuraient tout en se moquant de lui. Effeuillons l'aile d'un ange pour voir si elle pense à toi. Effeuillons l'aile d'un ange pour voir si elle t'aimera. Mais le bon Dieu lui vint en aide, car les barbus sont syndiqués. Il changea l'étoile en planète et fit de Saint-Pierre un portier. Et de ses anges déplumés par les amours du bon Saint-Pierre, afin de tout récupérer, il fit les démons de l'enfer, ceux qui crient, ceux qui pleurent à l'heure où naissent les nuits, ceux qui crient, ceux qui pleurent dans un coin de votre esprit. Effeuillons l'aile d'un ange pour voir si elle pense à moi. Effeuillons l'aile d'un ange pour voir si elle m'aimera. It was Barbara with Au bois de Saint-Amand, then Les sonneurs de la vallée de la Loire avec La bourrée de Saint-Chartier, et Lucienne de Lille avec Mon amant de Saint-Jean, and Jack Brel with Saint-Pierre. Mais voilà, l'émission est terminée. All right, yeah, well, that was another fun show. Yes, and hopefully to many more on Zoom. Bonne soirée à tous. Yeah, well, hopefully, no, I'd rather be in the studio. Yeah, well, we'll come back in the studio when whenever we can, whenever it's safe. So, but Zoom is really allowing us to meet in a way that we could have not done it, yeah, you know, of course. 20 years ago. Yeah. Well, thank you very much for listening to us. KFAI is still running 24/7 with all their programs. Some are pre-recorded. Some people still come live in the studio. And we are very grateful that you listen to us and help us. The last pledge drive was successful, and we're very grateful for your financial support as well. Merci beaucoup. Merci. Merci. Au revoir. Fresh Air Community Radio is KFAI. 90.3 FM HD Minneapolis St. Paul. Online and archived at kfai.org. Radio without boundaries. I'm Nikolai, and you're with Balkan Jamboree.